Reviens au quai volume 3. Y'a les carouillons en combinaison. With sound balance, le sound. L'entends-moi saisir devant la porte. Fais-moi confiance, tout. Fais-moi confiance, tout. Pas moi une chance, tout.